Poète et papillon par Mathilde Alanig. Chapitre 1er. Monsieur est absent, déclare le concierge sur le seuil de sa loge fleurie où se présentait le timide visiteur. Et savez-vous quand Monsieur Perle-Laroche rentrera? Demanda Aubin Martial. Le concierge leva les épaules et écarta les bras dans une pantomime expressive qu'il commenta par ces mots. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais rien de précis. Aubin soupira, tendit sa carte, une lettre en murmurant confus. Veuillez lui remettre à l'Ursula à son retour. Puis il s'éloigna par le petit chemin qui contournait le parc et descendait à la station du chemin de fer. Les yeux à terre, le jeune homme marchait vite et tristement. En vain les bergeronnettes couraient coquettement devant lui dans le sentier. En vain les églantiers accrochaient sa manche pour l'inviter à remarquer au passage la fraîcheur de leurs roses. Aubin demeurait insensible à ces agaceries du printemps. C'était pourtant un poète, un de ces êtres absurdes et privilégiés qui tombent en extase pour une nielle dans les blés ou une bête à bon Dieu. Mais actuellement, son âme demeurait comme fermée. À quoi bon regarder les enchantements de mai, puisqu'il fallait retourner vers la ville noire, recommencer à tourner sa meule, c'est-à-dire en termes plus clairs et plus prosaïques, reprendre un travail monotone, aboré, antipathique. Car hélas, quoique poète, on ne vit pas seulement de triolets et de balades, et Aubin, seul dans la vie, sans fortune, sans relation, n'avait pas d'autre gagne-pain qu'un maigre emploi dans la comptabilité d'une manufacture, position d'aucune chance sérieuse d'amélioration future ne compensait la pénurie présente. Du matin au soir, il grattait donc languissamment des chiffres sur un grand registre, en sentant avec chagrin ses belles facultés d'enthousiasme et de joie s'atrophier à ce métier, quand il apprit que M. Perle-Laroche, le fameux historien qui joint à sa prodigieuse érudition de rare qualité littéraire, cherchait un secrétaire assez lettré pour l'aider à mettre en ordre son importante bibliothèque nouvellement aménagée à Marvaux. Le jeune homme tressaillit d'espoir. Toucher de beaux livres, se livrer à une besogne intéressante, vivre près d'un homme dont les talents et la personnalité commandaient le respect, quel mirage! Aubin connaissait par hasard un ami d'enfance de l'illustre académicien. Secouant sa timidité invétérée, il obtint une lettre de recommandation, demanda un jour de congé qu'on lui octroya de mauvaise grâce, et partit pour Marvaux, le cœur battant d'émoi. Il lui fallait une vraie vaillance pour aller ainsi de l'avant, car on ne lui avait pas laissé ignorer les difficultés de l'entreprise. Monsieur Perle-Laroche, quelques mois auparavant, en annonçant son intention de fixer désormais sa résidence dans son pays natal, n'avait pas dissimulé en même temps son désir de vivre à l'écart, en tête-à-tête avec sa fille, tranquille au milieu de ses livres et de ses fleurs. Mais sa haute notoriété le désignait trop à la curiosité de ses concitoyens pour qu'ils renonçassent à s'occuper de lui. Tour à tour, les embellissements du château, les plantes précieuses des serres, l'atelier de peinture de la tourelle et la jeune maîtresse du beau logis elle-même servirent de thème aux conversations. Tout le monde suit bientôt la cause du goût passionné de Mademoiselle Perlot pour la solitude et de la mélancolie qui se révélait dans les tableaux de la jeune fille, artiste sensitive et originale. De santé délicate et même, assurait-on, demeurée légèrement contrefaite à la suite d'une terrible chute dans son enfance, Denise, avec sa nervosité maladive, son impressionnabilité extrême et sa défiance exagérée d'elle-même et des autres, redoutait tout contact avec des étrangers ou des indifférents, et en ressentait un trouble qui allait jusqu'à la souffrance. Dans ces conditions particulières, le père et la fille devaient se montrer nécessairement exigeants sur le choix de celui qui partagerait leur intimité. Deux ou trois secrétaires pris à l'essai avaient été remerciés successivement. Aubin le savait, mais avec la témérité d'un poltron qui s'est décidé à être courageux, il risqua quand même l'aventure. Je ne sais quelle confiance superstitieuse l'animait au long du chemin, l'assurant que si sa vie devait se transformer jamais, ce serait ce jour-là et non un autre. Il se sentait l'esprit clair, la langue éloquente, le cœur résolu. Il parlerait, il toucherait, il convaincrait M. Perle-Laroche. Mais hélas, toute cette belle excitation était venue tomber devant la loge du concierge. Chapitre 2e. Maintenant Aubin, tête basse, regagnait piteusement la station, se disant que l'occasion perdue ne se retrouverait pas. À quoi bon s'illusionner? D'ailleurs, la place enviée était peut-être déjà accordée à un autre, mieux avisé, plus heureux. sachant arriver à l'heure propice, tandis que lui, Aubin Martial, ne serait jamais qu'un malchanceux. Le toit rouge de la petite gare flambait sous le soleil déclinant. Aubin pénétra dans la salle d'attente et se laissa tomber sur un banc. Il poursuivit ses réflexions moroses, indifférent au reste de la terre. Au bout de quelques instants, une agitation se produisit dans le champ de sa vision, et Martial s'aperçut qu'il tenait inconsciemment les yeux fixés sur deux robes, l'une de serge blanche, l'autre de laine brune, immobiles jusque-là en face de lui. La robe brune venait de se dresser brusque avec un cri de dégoût. « Oh, regardez, mademoiselle, cette bête-là, sur le parquet, je vais l'écraser. Rien ne me dégoûte comme ces vermines. »« Laissez, Louise, » répondit la robe blanche, « c'est un pauvre papillon dont les ailes sont brisées. » « Je ne le toucherai pour rien au monde, de crainte de l'achever. Mais je l'observe depuis un instant. Voyez avec quelle énergie il réunit toutes ses forces pour tâcher de sortir d'ici et aller vers la lumière du dehors. » Frappé de ses paroles et de ses doigts aux intonations chaudes et douces, le jeune homme leva machinalement la tête et entrevit une forme frêle, enveloppée d'une vaporeuse toilette, un pâle visage, deux grands yeux noirs traversés de raies d'or. Puis son regard se porta vers la bestiole qui accaparait l'attention de l'inconnu. Sur le sol, en effet, une petite chose rouge et noire remuait péniblement, et c'était vraiment touchant l'effort de ce rien, de cet atome animé, guidé par un obscur instinct vers cette porte ouverte, afin de mourir, au moins, dans la fraîcheur du gazon. Mais avant d'arriver, combien d'abîmes à contourner, d'obstacles à gravir. Courageusement, l'insecte luttait, oscillait, tombait, se relevait, avançait toujours, entravé dans sa marche par tout ce qui lui servait à planer jadis. Poids inutile désormais, ses belles ailes pourpres pendaient inertes, déchirées, souillant misérablement leurs dentelles dans la poussière, tandis que ses antennes, habituées aux délicates caresses, se meurtrissaient aux aspérités du sol. Hélas, qu'il est dur de ramper quand on est né pour le vol libre et joyeux, pour une âme comme pour un papillon, se dit Aubin, pris d'un intérêt bizarre, et assimilant involontairement sa destinée à celle du petit être blessé. Lui aussi, ne s'épuisait-il pas dans un combat opiniâtre et douloureux où se brisaient ses ailes, peinant sur la terre rude, alors qu'il ne lui faudrait qu'un peu de soleil et d'air pour vivre heureux? Un soupir échappé à sa voisine attira de nouveau son regard vers la jeune fille. Les prunelles noires de l'inconnu, toujours attachées sur l'insecte mourant, étaient obscurcies d'une tristesse singulière. Celle-là aussi souffre d'une souffrance aiguë et cachée, pensa Aubin. Et ses yeux révélèrent évidemment, à son insu, une compassion sympathique qui blessa l'étrangère, car elle fronça soudain ses fins sourcils et ses longs cils s'abaissèrent, de même qu'une fenêtre se ferme devant un indiscret. Le jeune homme rougit et se tint coi. Cependant, cette blanche et charmante figure l'attirait invinciblement, et pour mettre fin à la tentation de la regarder, il sortit brusquement dès qu'un lointain sifflet annonça l'approche du train. Chapitre 3e. À ses pieds, au bas de la marge de grès, Aubin aperçut alors la bestiole qu'il avait oubliée depuis quelques minutes. Sans doute, à l'extrémité du degré, le terrain lui manquant subitement, la malheureuse petite créature était tombée à la renverse. Elle gisait là, à demi ensevelie dans le sable, se débattant encore faiblement, exposée à être broyée sous le pied du premier venu. Le cœur du jeune homme s'émut de pitié devant cette agonie lamentable, terme d'effort si désespéré. « Un papillon, n'est-ce pas un peu poète ?» se dit-il, souriant de sa propre puérilité. « Entre confrères, il faut s'entraider. » Alors il saisit avec précaution l'insecte, qui eut comme un soubresaut d'épouvante, et avisant le rosier qui encadrait la porte de la gare, déposa le papillon moribond dans le sein d'une rose. « Celui qui posséda des ailes ne doit-il pas finir parmi les fleurs ?» Mais en se formulant à lui-même cette jolie pensée, Aubin devint tout à coup cramoisi. Les yeux noirs avaient évidemment suivi cette petite scène et le considéraient avec une singulière surprise. « Bon, me voilà ridicule !» se dit le pauvre garçon avec la confusion de quiconque se voit surpris en flagrant délit de sensiblerie. Heureusement, les deux trains qui se croisaient à cet endroit stoppaient au même instant. Aubin Martial devait prendre celui qui remontait vers la ville. Il se précipita dans un modeste compartiment de troisième classe. Les voyageurs de l'autre convoi débarquaient sur le côté opposé. Soudain, le jeune homme jeta une exclamation de stupeur en apercevant parmi ses voyageurs l'original du portrait qu'il avait 100 fois examiné. Ses longs favoris blancs, cette physionomie fine et distinguée, la rosette de la Légion d'honneur, pas de doute, c'était M. Perlot Laroche. « Ah, que voilà bien ma guigne ordinaire !» murmura Aubin désolé. « Le manquer pour si peu, comment faire ?» il pensa. « Si je restais ?» Perplexe, il mit le nez à la portière, mais il demeura aussitôt abasourdi. Il venait de voir la jeune fille à la robe blanche et aux yeux noirs suspendus au bras de l'académicien. « Mademoiselle Perlot, comment ne m'en suis-je pas douté ? Mais on l'a dit contrefaite, et je ne m'en suis pas du tout aperçu. J'ai seulement vu qu'elle a les yeux d'une fée et un front d'ange, et je lui ai déplu. Elle me croit certainement un mal appris. Ce regard mécontent dont elle m'a gratifié, ah, funeste rencontre !» Toute la nuit, le malheureux fut poursuivi dans ses rêves par l'éclair de deux yeux noirs, fiers et tristes, et le lendemain, il le retrouva encore scintillant au travers des pages de son grand registre, si bien qu'il commit bévue sur bévue et se vit tant sévèrement. Jamais il ne s'était senti si malheureux, si petit, si pauvre, si impuissant. Et il s'en revint à son triste logement, ayant du noir plein l'âme. Mais la fortune malicieuse l'attendait à la porte, sous la forme pourtant peu agréable de sa logeuse, qui tenait une lettre à la main. Une lettre qui portait le timbre de Morvaux, et contenait ces mots éblouissants. « Monsieur Martial est invité à se présenter dimanche prochain chez Monsieur Perlot Laroche. » Chapitre 4e. Aubin devint non seulement le secrétaire, mais le disciple de l'auguste maître auquel il s'attacha avec toute la ferveur de la reconnaissance et un cœur sevré jusque-là d'affection. Sous une bienfaisante et mystérieuse influence, son talent, dirigé, encouragé, se développa et s'affirma 3 ans plus tard, dans un drame historique dont les beaux vers sonores et les sentiments élevés lui valurent à la fois les applaudissements de la foule, l'estime des lettrés, et quelque chose de mieux encore, la joie d'un aveu longtemps ajourné. Heureux les poètes, les fées les protègent, les enveloppent de nuages d'or, font naître des fleurs sous leurs pas et leur donnent le bonheur, pour un papillon. Oui, pour un papillon, murmurait la voix caressante de Denise, embellie et fortifiée par la confiance et la tendresse, la main dans la main de son fiancé. Car ce fut cette action si simple qui me fit comprendre quelle bonté exquise était la vôtre. Aubin, moi qui me considérais comme une vaincue de la vie, j'eus la curiosité de connaître l'homme capable d'une pensée si gracieuse et de cette tendre pitié pour les faibles. Il me fut facile de deviner votre identité grâce à la carte que vous aviez laissée et à la description que fit de vous le concierge. Alors je conseillai à mon père de vous écrire et je constatai que ma première impression ne m'avait pas trompé. Et c'est ainsi que nos deux âmes, rapprochés dans une minute de compassion, en vinrent peu à peu à se fondre l'une dans l'autre. Il la regardait avec amour, si diaphane, à peine terrestre, délicieusement jolie avec sa grâce languissante, le sourire tendre de ses yeux adoucis, et autour d'eux, sous les verdures veloutées du grand parc, les papillons du renouveau voletaient gaiement dans la poudre d'or d'un rayon de soleil. Ainsi s'achève, Poète et papillon, par Mathilde Alanic.